Une méditation pour pacifier Kapha. Nous allons commencer par réveiller l'énergie de notre corps. Assis sur une chaise ou sur votre coussin de méditation par terre, bien ancré dans le sol. Placez vos deux mains au niveau du nombril et laissez tomber la tête à l'expire. À l'inspire, remontez le menton vers le ciel, ouvrez les bras. Pour étirer vers l'arrière, on ouvre les poumons. Et à l'expire, on revient, on replace les mains. Sur le nombril, on laisse tomber la tête. Encore une fois, on inspire, on ouvre comme les ailes d'un ange. Et à l'expire, on ramène les mains. Au niveau du nombril, on laisse tomber la tête. Encore une fois, on ouvre. Et on expire, on ramène, on laisse tomber la tête. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, on revient, on laisse tomber la tête, les mains sur le nombril. On inspire, on ouvre. Expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On reprend notre respiration normale. Maintenant que nous avons réveillé l'énergie de notre corps, je vous réinvite à vous asseoir confortablement. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien allongée. Le menton légèrement entré vers la poitrine. Et les mains sur vos cuisses, paumes vers le ciel. Vous pouvez placer vos doigts en Chin Mudra en plaçant le bout de vos pouces en contact avec vos index et les autres doigts sont allongés. Maintenant, nous allons faire un exercice de respiration. Pranayama Kapalbhati. Un exercice de respiration dynamique. Concentrez-vous seulement sur l'expiration. L'inspiration se fera d'elle-même. Fermez les yeux. On inspire par les narines et on expire en contractant les abdominaux comme si on voulait que quelque chose sortent de nos narines. Donc on inspire. Je vais vous faire une démonstration. Donc nous allons faire cette respiration dynamique pendant 30 secondes et nous allons prendre une petite pause de respiration normale. Vous êtes prêts? Commençons. on reprend une respiration normale. On recommence. On reprend à nouveau une respiration normale. Une dernière fois. Et on reprend une respiration normale et calme. Relâchez sans rien contrôler. Et accueillez ces sensations d'énergie qui circule en vous. À présent, imaginez que vous êtes dans un environnement très lumineux, dans une couleur jaune-orangée. La couleur est confortable. Vous sentez la couleur. Vous sentez la chaleur du soleil. Visualisez que vous êtes dans un champ de blé. Que le vent chaud souffle. Vous voyez le blé. Vous sentez la chaleur sur votre peau, ainsi que la brise. Sensation de bien-être. Ce bien-être est accompagné de bonheur et de légèreté. L'amour circule dans chaque parcelle de votre corps. Vous sentez votre générosité. La générosité de la nature. Toute cette générosité qui vient de vous, à travers vous, et qui est déjà en circulation en vous. Cette énergie, ce dynamisme fait partie de vous et vous donne des ailes. Sentez cette légèreté et ce dynamisme. Ressentez cette merveilleuse sensation. Nous allons réciter maintenant le mantra de feu Om, qui vous permettra de sortir de votre zone de confort et de prendre conscience qu'à l'extérieur, après l'effort, vient la satisfaction et la fierté. Faites un pas, une action. Une action vaut beaucoup plus que 1000 intentions. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences. Vous serez surpris du plaisir que cette légèreté vous apportera. On inspire par les narines et on dit le mantra à l'expire. Om. Doucement, ressentez cette sensation de bien-être, de chaleur et de légèreté. Aisance et liberté. Dans les moments où vous vous sentez replié sur vous-même, je vous invite à réciter à voix basse ce mantra Om pour vous dégager et retrouver la légèreté, la force et la liberté. Et tout doucement, je vous invite à revenir dans votre corps physique. Sentez vos jambes, votre bassin, vos orteils, vos bras, vos épaules, vos doigts. Bougez vos doigts, vos orteils, votre tête d'un côté à l'autre et étirez-vous jusqu'au bout de vos doigts, étirez-vous et relâchez. Vous pouvez réouvrir les yeux et bénéficier le cœur léger de cette belle méditation. Namasté.